Eh oui, c'était les frères Goyette avec Quand à Pouliot, Anne-Sophie Charon et puis Gogol Bordello. C'était un méchant bordel avec Oh no! Oh no! I am a pain. Do the same song. I want to whoa, whoa. Remember. Don't be the body to go. Ain't bad, more, more, low. Quand t'es un vrai girlo, girlo, girlo, girlo, girlo. Ow, ow. Et c'est un vrai girlo, vrai girlo. Ce Québécois, yeah, yeah. C'est pas le McCartney, là, ce qui était. Wow, wow. C'est un vrai girlo, un vrai girlo. Québécois. C'est ce qu'il a chanté, hein. Il a vu un gars qui dit « Ah ouais, non, c'est mon son! » Wow, wow, wow, c'est un vrai gorlo, un vrai gorlo, ce Québécois. Tabou, tabou, tabou, tabou, tabou. Wow, wow, wow, c'est un vrai beau, c'est un vrai beau, un vrai beau. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Et là, c'est sérieux, là. Ça pourrait être la fin de la carrière, surtout du grand succès d'Errance Reynaldienne. Comment ça s'appelle? Errance Reynaldienne. Comment? Errance Reynaldienne. Errance Reynaldienne? Pas badaldienne. Errance? Oui, errance? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, errance? Errance. Errer. Errer Iglesias? Pas le chanteur Errer Iglesias. C'est errer. C'est marcher sans aucun but. Errer pas la réponse, moi, là. Mais non, c'est pas une réponse. Errer, c'est marcher sans aucun but. Errer. OK. Errer pas compris, moi, là. Errer. Aérer, ben oui. Aérer-moi donc, cette madame-là, là. Non, c'est Errance Reynaldienne. Brigitte Bardot, qu'est-ce que... Hey, il y a un public qui écoute à travers la porte. C'est pas normal, ça, là. Faut cacheter ça, cette porte-là. Là. Brigitte Bardot. Qui est cette Brigitte Bardot? C'est très simple. Tout le monde s'imaginait que c'était une grande comédienne française. Mais non! C'est une Québécoise! Elle s'appelle Brigitte Barré de Sorel. Pourquoi qu'ils... Malheureusement, ils l'ont expédiée ailleurs. Parce qu'elle s'est elle-même barrée de Sorel. Sorel, c'est un petit coin du Québec. Je suppose que c'est Sorel. C'est où, Sorel? Sorel, c'est en bas de la coquerelle puis en haut de la chenille. Oh, OK. Allez voir sur Google, là. Écrivez Sorel, virgule, espace Québec. Vous allez voir où ce que c'est à peu près approximativement. Moi, je sais même pas. C'est Sorel. Il y a Sorel et Hardy. Non, c'est Aurel et Hardy. OK. Alors donc, Brigitte Bardet, elle n'était pas Bardet. Non, elle n'était pas encore Bardet. Elle n'était pas non plus Bardot, là. Du Bardot, c'est pas grand-chose. C'est du bois qui... C'est-tu du Bardot, ça, là? Non, c'est du Bardet. OK, non, mais Brigitte était danseuse, nue. Voyons donc, elle tombe. C'est sa poitrine qui tombe. Puis maintenant, non, à l'époque, il y avait du. Aujourd'hui, il y a du mou, hein? Il y a du mou sous la dent. Pas sous la dent, sous la bouche. Brigitte Barré. Parce qu'elle était danseuse à Sorel. C'était tellement affreux. Elle se dandinait pas. Elle faisait pas des mouvements suaves. C'était saccadé. C'était des années presque cha-cha. Tchung-tchung, cha-cha-chang, tchung-tchung. Là, ils ont dit, hey, voyons donc, ma Brigitte, là. En plus d'être Brigitte Barré, on va te barrer du bar. Hey, ils l'ont mis à l'extérieur. Comme on dit chez nous, ils l'ont barré. Ils l'ont raturé. Ils l'ont expédié en France. Puis juste un aller, pas de retour. Puis là, elle était blonde à l'époque, là. Non, elle était brune. Est-ce qu'elle était brune ou blonde? C'est comme Brigitte. C'est comme Marilyn Monroe. OK, Marilyn Monroe était brune. Okay, elle est brune, c'est vrai. Elle était brune. Alors, il l'a envoyée brune là-bas. Puis comme ça a pris longtemps, longtemps, les cheveux ont comme blanchi, blondi. Puis quand elle est arrivée à Paris, c'était brun, elle était blonde. Puis là, elle se dit, hey, je me souviens plus de rien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben ouais, t'es blonde, hein? Excusez-moi auprès de tous les blondes, là, vous êtes des filles brillantes, on vous aime. Hey, je me souviens plus qui suis-je, où suis-je, je suis, je serai, Serge Gainsbourg! Puis là, je fais des langues, c'est Je t'aime moi non plus, et Coming Strip, et Je ne suis qu'une machine à sous, pire, une machine à sous. Rire. Mais comment tu fais l'accent anglais? C'est pas Jim Birkin, ça là, c'est Brigitte Bardot, c'est vrai. C'est vrai, excusez-moi. Non, je suis très confuse. T'es pas confuse, t'es combuse. Je suis cambuse. Mais Brigitte Bardot a tenté de faire une carrière là-bas et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on dit fuck Brigitte Bardot. Fuck! Fuck chez nous, ça veut dire va te faire voir ailleurs. Pour les gens qui nous écoutent outre-mer, là. Alors, ben, elle s'est dit, ben là, les fuck, il faut les surveiller, les fuck. Crois-moi, crois-moi pas, quelque part en Alaska, il y a Brigitte qui nous fait attention en maudit. Son copain est parti, et nous brillons dans des cirques. Avec des vrais petits cons. La Brigitte, elle est toute seule. Elle regarde ses cheveux blondir comme les rues de New York après la pluie. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Attention, madame Tremblay, à moi. La, la, la, la, la, la, la. Allez, monsieur. La, excusez-moi, j'ai le ré mineur. Chante, alors c'est ici. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est lui. La la la la, c'est lui. La la la la la. Et tranquillement, ta carrière a commencé dans l'art dramatique. Tu as fait quelques séries télévisées, c'est ça? J'ai fait des pièces de théâtre, surtout. Oui. Les premiers rôles dans des pièces de théâtre, donc du Musset, du Marivaux, quelques pièces... Mais t'as pas de formation comme comédienne? Non. Okay. Bah, si, si, j'ai pris des cours, si tu veux. Quand j'ai arrêté la psychomotricité, oui, oui, que je me suis retrouvée chez Georges Jourdain... Oui, c'est ce que j'ai vu dans le temps. Lui, ce qui était bien, c'est que je m'occupais de lui le matin. Il y avait une deuxième personne qui venait l'après-midi. Okay. Et donc, j'en ai profité pour prendre des cours de théâtre dans différents ateliers, mm-hmm, voir un peu ce qui se passait. Mais après, effectivement, au niveau du théâtre, je me suis vraiment formée sur le tas, quoi. C'est... Il n'y a rien de mieux comme formation, ouais, que de jouer, que de, d'être sur scène, que de... Voilà. C'est pas difficile dans un environnement où il y a beaucoup de comédiennes, beaucoup de... Surtout là, de ton âge qui tout veulent fait percer. Non, non, mais surtout à Paris, c'est... Oui, à Paris. Et encore, oui, aujourd'hui, c'est encore pire. Oh, oui, tu vois. Oui. Mais si, si, bien sûr que c'était difficile. J'ai galéré, enfin, comme tout le monde. Et encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. OK. Ça va parce que je fais des voix de publicité, oui, et ça, oui, ça paye assez c'est bien. C'est très payant. J'ai mon statut d'intermittent, je croise les doigts pour qu'il perdure, ce statut. Ah, parce qu'on peut te couper ça n'importe quand. Mais c'est la société, c'est les politiques qui veulent annuler ce statut, okay, vu ah, qu'on oui, est oui, les oui seuls. Ah, c'est pour ça, oui, oui, oui, effectivement, là, la grève, oui, oui, les grèves que... Et ils font en sorte que ce soit de plus en plus difficile. C'est déjà difficile, donc. Voilà, c'est déjà difficile, et là, en plus, ils nous payent de moins en moins, ils font... Voilà, on n'a pas le droit, enfin par exemple si on fait deux cachets dans la journée, ils nous en sucrent, enfin tout est fait pour qu'il y ait le moins d'intermittents ouais possible. Pourquoi? Pour que ça disparaisse ce statut, que ça soit remplacé par un statut de, tu sais, les gens qui travaillent... Au contrat. Comment ça s'appelle? De l'intérim. Ok. Ah oui, oui, oui, oui. Oh, ouais. Ah, c'est que... encore précaire. Sur... Encore plus ah oui, précaire. Mais surtout que si ce statut existe, par exemple, si ce statut n'avait pas existé, j'aurais pas pu mettre toute cette énergie pour écrire des chansons, mm-hmm, pour... Je bossais à côté, mais si tu veux, tu peux pas bosser... Enfin, après, les Américains, ils vont dire le contraire, c'est différent encore. Mais c'est vrai qu'eux, ils le font. C'est-à-dire qu'ils sont serveurs et puis ils font... Ils... Ah, voilà. Ouais. Mais moi, je sais que si j'avais dû travailler 39 heures par semaine... un boulot qui me prend beaucoup d'énergie, j'aurais certainement pas pu faire ça. Oh, ouais. Et parce que voilà, écrire un album, monter un tour, monter, enfin tout ça, ça prend énormément de temps, d'argent, oh, oui, et d'énergie, parce que voilà, pour l'instant, je suis pas payée, quoi. Lonely as I can be, I've read Gibbon and I've read Sire. Mais oui, vous êtes à CKRL et vous avez entendu les Stooges avec Trollin', le dernier album des Stooges en studios. Anne-Sophie Charon. Je suis tout attaché. L'aigle noir dans un glissement d'ailes prit son envol pour regagner le ciel. Doucement, dans un nuage d'antan, dans un soleil rayonnant, il y avait des étoiles. Lentement, l'oiseau sous la douce. Je suis la fille tout attaché. L'aigle noir dans un glissement d'aile prit son élan pour regagner le ciel. Et Gilbert Rico avec Chante. Eh oui. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse, l'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuel. Et qu'est-ce qu'il voulait dire, donc? Il est anxieux parce qu'on s'en va vers des nouveautés. Ben oui. Comment ça se fait, des nouveautés? Ben, ça se fait très simplement. Nous vous offrons, je ne sais même pas si c'est la 5 ou la 6, nous vous offrons, est-ce que c'est de la musique ou de la musique? On va se reposer un peu, de la musique. Déjà? Ben oui, pourquoi pas? Hein? Hein? Approchez, venez-moi, un spectacle extraordinaire pour vous ce soir, Massilia contre les 5 colons. C'est merveilleux. Interdit aux colons, nous sommes oui, interdit aux colons, non. Interdit aux colons, nous sommes oui, interdit aux colons. Interdit aux colons, nous sommes oui, interdit aux colons, non. Interdit aux colons, nous sommes oui, interdit aux colons. Tu aimes-tu les colons? Non, pas du tout. Tu connais-tu les colons? C'est pas des gens comme nous. À la vue de ces personnages, moi je deviens comme fou. Il y en a de tous les âges et on en trouve un peu partout. Par définition et par opposition à tous ceux qui vont de l'avant avec de bonnes intentions. Ils veulent tout contrôler, ils veulent tout décider. Ils construisent les pyramides et ils s'installent au sommet. naturellement vides, ils imposent leurs idées. Mais interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. On nous dit, vous êtes très sympathique. Massilia, c'est vraiment dynamique. Nick, Nick. Avec ça, vous pourriez faire du fric. Oui. Ah, mais c'est dommage que vous parliez de politique. Mais interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Certains disent, Massilia, ce que vous faites, c'est très bien. Vous pas bon, je vous le dis vraiment, ça n'est pas rien. Avec ça, saviez-vous, vous pourriez aller loin. Si seulement sur scène, vous mettiez des musiciens. Mais interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Certains disent, Massilia, c'est bonheur. Ouais. Vous êtes cool, vous fumez les pétards. Allez, ouais, qui cloche dans votre histoire. Quoi? Pour faire du reggae, ça serait mieux d'être plus noir. Mais interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. You, Massilia, pour gagner votre croûte. Ouais. Entre nous, je vous le dis, vous n'avez pas le look. Ah, vous devriez porter des ribouquets, des fausses lunettes. Et puis changer de coupe, c'est négligé, c'est pas net. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono, non, non. Interdit au cono, nous sommes oui, interdit au cono. Je dis stop, je dis off. Et ta France est dure à date. À tes intérêts, il faut les mettre à la porte. Ton Sénat, ton ENA, tes médias, ton CSA. Pour ma part, pour notre part, tu peux balancer tout ça, car c'est pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, pédé, Jean Charest. Le 16 juin, tu as fait les trois Baudets. Oui. Le 16, quoi, 16 juin? C'était super. Oui. Est-ce que c'est une salle de combien de places? C'est une salle de 300 places, okay. Je crois. Et c'était plein? Non, c'était pas plein. Okay. C'est jamais très plein, en fait, les trois Baudets. C'est une salle qui mérite d'être beaucoup plus promue, voilà, parce qu'en fait, je pense qu'ils font pas bien. Alors après, encore une fois, je sais, je suis pas gentille. Non, mais voilà, ils font pas vraiment leur boulot, okay. Tu vois. Okay. Ils envoient une newsletter en disant, voilà, pub, ou sur internet, on peut aller sur leur site, voilà. Officiel, comme j'ai fait. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de promos. Okay. Et puis c'était la première fois qu'ils recevaient un concert rock. Oui, parce que c'est quand même très chanson française, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ouais, piano, ouais. Voix, guitare, voix, okay. Des choses un peu plus soft. La fille, ça envoie, déménage. Quoi, ouais, tu vois. C'est déménage, ouais. Donc c'était très chouette. Et combien c'était content, d'ailleurs. Combien de musiciens sur scène? 4. Et toi, tu joues d'un instrument? Non, je me suis mise à la guitare, là. Mais si tu veux, mon truc, c'est comme chaude partout sur scène. Tu peux pas tenir une guitare en ouais, même temps? Ouais, ben, je pense que je le ferai sur un ou deux titres, voilà, pour le okay. Plaisir et pour le look et pour okay, tout, bah ouais, tout ce qui va surtout, avec, hein, voilà. Trop bien! Ah oui, c'est ça. Mais sinon, non, j'ai trop... Moi, j'adore danser, sauter partout. Enfin, voilà, j'ai du mal à rester statique. Et est-ce que tu fais des concerts cet été dans les festivals ou pas encore? Non, pas encore, parce que... En fait, l'album est sorti en mai. Oui. Voilà, je suis une artiste en développement que personne ne connaît encore. Aujourd'hui, est-ce que tu c'est très très difficile. Oui. Est-ce pas tu... sur WeFM, okay. Sur Virgin, sur le Move. Et à partir moi, ça de. Oui, oui, ça va quand même. Et à partir de août, je serai en playlist sur France Bleu. Oh, okay. Ça, c'est ah, bien c'est parce bien. Que c'est Radio oh, France. Oui. Oh, oui. Donc là, j'ai un c'est tourneur depuis très très peu de okay. Temps, si tu veux. Donc c'est pour ça que les festivals, ils étaient déjà bookés. D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. Il a warum dit motik, la flamme t'em sentik, qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens. C'est vraiment bien dommage. le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. En elle al-khadma wa'arn, l'immigré tisqabel. Yerna soussoum al-khisen, au Qarnas il y a de la chance. Au Qarnas il y a de la chance, mais c'est de la résidence. Les conversations, le chômage, l'immigration. Et après les élections, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. Echrela yagen shkor, fitbul tazizam l'amour. Mais il a izmen safar, azran la différence. Azran la différence, la résidence. Quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences. Il faut subir les conséquences, y'aura plus de ruminance. Et tout ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence. Le soleil en permanence. Pour moi ça a de l'importance. C'est un drôle de l'aïté. Je découle ta mort et ce que je rappelle des milliers de frites. J'ai de mener un riche d'avance. Et de mener un riche d'avance. Jusqu'à la fin de l'existence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France, bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Bien avant la résidence. Ne change rien pour que tout soit différent. C'est KRL 89.1. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Pour que tout soit différent. C'est KRL 89.1. On vous offre toujours du nouveau et du renouveau à l'émission Errance Rénaldienne. La preuve, à partir d'une phrase d'une chanson populaire, nous improviserons un bouquet de mots comme cela sur le souffle et sous vos oreilles. Aujourd'hui, cueillons ce début de phrase extrait d'une mélopée bien appréciée de la majorité. Oui, c'est une chanson de Serge Lama qui s'intitule C'est toujours comme ça, la première fois. Vous vous souvenez? Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et donc, le refrain, c'est ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Tu verras à un moment donné qu'il y a le petit cul tremblé qui cherche à t'agréer de sa propre personne, de te dire bonjour, comment ça va? Et toi, tu voudras rien savoir parce qu'il te déplaît et surtout, tu veux rien voir de son approche, de sa vulgarité. Tu es une douce, j'allais dire mélopée, c'est pas mélopée, une douce fille de variété qui se tient dans les bars Il se tient sur la barre, danse presque nu et réclame son dû. Ne t'en fais pas, non, ne t'en fais pas. C'est toujours comme ça la première fois. Il y a Tiki Baudouin qui, au bout de son siège, te crie « Hey, ma petite chérie, ma douce rallumée, veux-tu ici me venir en aide en m'apportant ma petite bière de variété? » Et tu lui diras, toi. « Ben, je suis pas née pour ça, moi, là. Moi, je ne suis qu'une souveraine. Une souveraine, une souveraine, une souveraine, une souveraine, une souveraine, une souveraine. Je ne suis qu'une souveraine. Non pas une, une esclave, là. Oh, mais t'es payé pour déboucher de la bière. Ben oui, je sais, mais ça, ben, oui, de la bière, ça a bien l'air que je suis ici pour déboucher de la bière. À n'importe qui. Oui, à n'importe qui. À n'importe quel prix. Non, non, non, c'est écrit, là, hein, c'est 4, c'est 4. C'est 4. Ben, c'est 4. C'est 4 $. Non, c'est 4 euros. 4 euros. 4 $. 4 euros, 4 $. Non, 4 $. Ben, je sais pas, c'est 4, c'est 4. Quoi, c'est 4, c'est 4. Il est majeur, là, il n'y a pas de carte. Non, c'est, j'ai pas dit c'est 4, c'est 4. 1, 2, 3, 4. OK, je pensais 1, 2, 3, écarte. Non, non, non, je m'écarte du sujet. Non, ben, peut-être. Peut-être, mais c'est bien, on aime ça, nous. Nous, tout est fini entre nous. Non, nous, on n'a rien contre. Là. Mais non, vous autres, là, vous êtes des super visseurs. Comment? Des super visseurs. Comment ça, des visseurs? Ben oui, vous vissez. Oh, nous, on aime bien visser au plancher. Et voilà, comme les Rita Mitsuko. Et déjà, l'école, c'était une vraie passion pour... Tu connais la musique, tu n'aimes pas que celle, la belle, les cafés tabac parisiens. Si ta grand-mère est paysanne, tes pieds ont résonné plus d'une fois sur le pavé des rues quand tu chantais à tue-tête des airs. J'ai fait des reprises aussi de Brigitte Fontaine. Ah oui, de, t'es folle. Con. De Ultravox aussi. Oui. My Sex. Ok. Que j'ai chanté hier pour la première fois. Ok. Et puis ça s'est bien passé? Super. Et t'es-tu encore avec tes 4 musiciens? Il y en avait que 3. Ok. Parce qu'en fait, donc j'ai un violoniste qui est en même temps clavier et violoncelliste. Ok. Et j'ai un bassiste qui est aussi guitariste et contrebassiste. Okay, ils font tous les instruments. Ils font un peu tous les instruments. Même mon guitariste, il a appris le violon quand il avait 5 ans. Et un batteur qui est un vrai batteur. Ok, ouais, ben c'est bien. Voilà, et donc ouais, ça dépote. Ok. Grave. Eh, mais c'est bien, c'est extraordinaire. Mais à travers ta musique, tu veux en même temps sortir un peu ce que... C'est ça. C'est un vacuum, c'est une manière de... Ma rage. Ok. Il y a de la rage. Envers qui, envers quoi? Mais c'est pas une rage. destructrice. Plus aujourd'hui, c'est une rage au contraire régénératrice. Okay. Tu vois, quelque part, c'est la rage de vivre ce que je crie. Et la revendication au plaisir, la revendication. Voilà, on n'est pas sur Terre pour se faire chier, quoi. Enfin, le moins possible. Tu vois? Ouais. Et voilà, et comme moi, j'ai eu une éducation quand même relativement très judéo-chrétienne, avec cette culpabilité hyper implantée, enfin, dans notre société d'ailleurs, mais peut-être encore plus chez ma mère, par exemple. Donc voilà, en fait, tout ce chemin, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, tout ce chemin, c'était vraiment un chemin vers l'indépendance, un chemin vers l'acceptation du plaisir, voilà, j'ai choisi la vie, mais c'était super difficile de là où je venais, si tu veux. Et donc ça a mis du temps. Ok, bah oui. Et aujourd'hui, c'est comme si tout s'accélérait, tu vois. Comme si la vie me souriait et du coup me faisait un peu rattraper le temps perdu, qui n'est pas perdu. Qui n'est pas perdu, mais acquis à force de travail et sur toi. C'est ça. De Baltimore à Babelouet. Je l'ai bramé dans les basses trinques avec un brimé bipède qui vendait pas pour le burlingue. Dans ce vent branché bipolaire, à faire basculer les belles mères, je ne besoin le brouillard. T'as les bavés pour les babas et les broutards à boucles blondes, des petites bulles de baraka. Et des pommes pour les James Bond. Les bonbons, les bonbons pour faire un break. Y'en a ras-le-bol de ces blancs mecs qui vendent pour le bas ou pas pour la bagarre de Bronda. Il se braque un bloc sur le baston, des barbes bleues bardées de bronze, des cobayes bourrées de béton, des zombies bidons et des bonzes qui leur balancent une bloquette à écrabouiller les boquettes. À vous briser les roubignoles, à vous faire barrer de la boussole. Pendant que tu brûles de la banquise, braconnant le bonheur sans but. Il me baignant de quatre bises avec les poupons de peste et pute. Baby boom boom, baby boom boom, vous faire un mouet. Y'en a un bloc de ces blancs becs qui manquent pour le bas ou pas pour la bagarre et pour le bas. Râle-bec de brouter du bitume et de barjeter dans une bagnole. Râle-bec de branler de la brume et de barater des brinquignoles. Pendant que les barbeaux du business qui nous bastonne des bassesses, vibrant des bourbons dans la bique, je passe par football et crâne de pique. Tu vas broyer tous ces bouchers qui se font bronzer la baudruche aux Bahamas avec ton blé. Pendant que je balise dans les paluches, j'ai les bonbons, les bonbons vont faire un break. Y'en a un peu de ces blancs becs qui vendent pour le bas, car pour la bagarre et le baby, Ne change rien. Rien. Rien. Pour que tout soit différent. On est à quel numéro, là? 89.1. Oh, c'est KRL, oui. De la nouveauté, oui, de la nouveauté. Hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de 7e art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrustons... Non, nous incrusterons. Non, mais parce que nous incrustons, c'est maintenant. Oui, nous allons incruster. Nous incrusterons sur la surface sonore le film Le Festin Nu, mieux connu sous la bannière. Comment? Sous la bannière. Sur la bannière. Ton pan. Sur la bannière. Ton pan. Sur la bannière. Ton pan. Comment? Sous la bannière. Ton pan. Sous la bannière américaine de Naked Lunch. Naked Lunch est un film anglo-canadien de David Cronenberg, sorti en 1991 et tiré du livre éponyme, écrit par William Burroughs. Alors, commençons par écouter l'extrait sonore et débutons l'improvisation après. Nous allons malheureusement dépasser nos 2 heures, mais CKRL me le permet pour quelque temps. Mais pas longtemps. Alors voilà. Hé, hey, l'extrait sonore! Oui, on y est. Oui, mais attention, l'extrait sonore, ça commence, là! Relax, toi, là, là! On va finir à 2h15. C'est quoi dans ta vie, 2h15? Ben, c'est 15 minutes dans ma vie, moi, là, c'est 250$. OK, t'es payé 250$ pour 15 minutes? Ben, je fais 250$ en 15 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de... La fille, tout attaché. Oh, tu fais de la fille tout attaché, oui. 250$, non, 200, oui. Hey, l'extrait sonore, c'est ça. C'est comme ça. Chut, on y va. Colin Burr. L'exterminateur. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Hey, mon doux, vous avez un visage un peu pâle, là. Est-ce que c'est normal? Hey, oui, j'ai de la coquerelle. Comment? J'ai de la coquerelle. Comment? J'ai de la coquerelle. Vous êtes assez coquerelle? J'ai pas dit que vous étiez assez coquerelle. J'ai dit j'ai de la coquerelle. Assez coquerelle? Pas de coquerelle, assez coquerelle. J'ai dit qu'il y avait de la bibitte. De la petite bibitte à patac. Alors, j'ai essayé de la mettre dans l'eau chaude, hein, puis j'ai essayé de l'équeuter par la suite, mais ça se mange pas, hein. C'est comme la vraie patac, hein. C'est une fausse patac. Ça dépate. Ben, c'est bizarre, ça pique. Ben, une bibitte à patac qui pique. Ben, non, mais je veux dire, ça pique ma curiosité. Ah, oh, OK. Puis là, ben, il y a aussi des grosses affaires noires avec un gros dard qui te regarde. Ça a 12 pieds de long, puis ça te dit... Bonjour, ça va bien? Hein, voyons donc, oui. C'est-tu normal, ça, monsieur, l'exterminateur? Le terminateur? Présentement, vous êtes ici, là. J'aimerais aussi que vous enleviez. Ma copine a des petits bourgeons au niveau rénal. Comment ça, rénal? Ben, je sais pas. Elle a le rénal trop rénalien. Oh non, c'est pas des bourgeons, c'est des champignons. Presque. Est-ce que... monsieur, avant de les enlever, là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est magique? Attends, je vais... ben, moi, je suis son... confrère. Vous êtes con? Là, oui, je suis très con, moi, là. Je peux pas être plus con que ça. Comment ça? Je suis son confrère. plus con que son frère? Ben, on est confrères. OK. Alors, est-ce que vous pouvez vérifier? On va vérifier. C'est laquelle? C'est la troisième copine. C'est pas celle que t'es... Ben, il y a la tout attachée ici. Il y a presque attachée et la libertine. Oh, pas la Mylène Farmer? Je suis libertine. J'ai des champignons. Allez, pouvez-vous vérifier les champignons de libertine? Oui, alors il faut déjà les extraire. Ben, extrait-les. Comment? Enlevez-les. Il faut quoi? Enlevez-lui. Enlevez-lui quoi? Les champignons. OK, alors non, il faut les cueillir. Hein? Alors, excusez-moi, là, partez. Enlevez-vous de ce champ. OK. Alors, mademoiselle Libertine, écartez, s'il vous plaît. Là. Alors, je cueille. Il y a comme... OK, le liquide blanchâtre est tout à fait normal. Le goût, un peu amer, comme la vie. Bref, c'est de la bonne cuvée, cette Virgin Farmer. Alors, il faut la garder? Ben, oui, tout attaché. Oh, ben merci, vous êtes... Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Il dit, toi, mon cordonnier, tes bottines sont mal semelées. Avec tes méchantes coutures, embarque dans ma voiture. Avec tes méchantes coutures. Couture, en dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer, fait le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Et dis-toi, mon petit boucher, ta viande est avariée. Avarié. Ton boudin goûte rien. On en prend deux livres d'avarié. Dans ma voiture. Dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Envoyé par Lucifer pour appoyer son monde. Et dis-toi, mon mécanicien, tu changes les pièces pour un lien. Avec toutes tes grosses factures, embarque dans ma voiture. Avec dans ma voiture. Et dis-toi, mon gros routier, tes histoires sont mal famées. Avec toutes tes aventures, embarque dans ma voiture. Avec toutes tes aventures, embarque dans ma voiture. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Le démon sort de l'enfer pour faire le tour du monde. Envoyé par Lucifer pour appuyer son monde. Tu me cherches des tracas avec toutes tes procédures. Embarque dans ma voiture. On va t'enfermer, ouais. Toi, mon sénateur, tu viens des électeurs, puis du haut de ta statue. Embarque dans ma voiture. Embarque, ouais. Toi et puis ton on le met du chapeau hier. Tu voles tous les droits d'auteur avec toutes tes gravures. Embarque dans ma voiture. Et dis-toi, mon forestier, façon dévastée avec toutes tes sciures. Embarque dans ma voiture, embarque, et dis-toi, mon gros banquier, t'arrêtes pas de nous faire payer tes profits, oh, n'ont pas d'allure. Embarque dans ma voiture, oh, et dis-toi, mon journaliste, oh, avec mon ami, mon escroc d'abandon, et toutes ouais, tes censures. Embarque dans ma voiture, et dis-toi, mon PDG, avec toutes tes fermetures. En mettant ma voiture, dis-toi, mon politicien. Hey, mon politicien. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ouais, mon chien, mon Jean-Charles. Ah ouais, en mettant ma voiture. Mon Sarko. Mon Jean-Claude. Mon Ben Whopper. Mon SP Whopper. Mon gros Whopper. Ah ouais, le Whopper. Parce que tu vois, ça a été dur aussi. Parce que si tu veux, je... pendant mon adolescence, je disais à mes parents, mais il faut absolument que j'aille dans un lycée artistique, tu vois, je veux faire option théâtre, machin. Comme mon frère était malade, enfin, si tu veux, je suis passée un petit peu après. C'est sur ton frère, c'est ça? Voilà. Et toi, t'étais peut-être mise à part. Lui, il allait mourir, etc. Ouais. Donc moi, il fallait que j'assure, quoi. Et j'avais pas. Et puis voilà, pour eux, c'était pas un métier. En tout cas, ils m'ont toujours dit, t'auras d'abord un métier, après tu feras ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Ok. Et donc j'aurais obéi quand même. Mm. Maintenant ils sont super contents. Ok, mais c'est ça, la liaison encore avec tes parents sont. Ben, ça a été super dur hein, okay. Quand j'ai quitté la psychomote pour faire ça. Puis aujourd'hui. Ça a été très conflictuel. Et depuis que ça commence. En fait, si tu veux, généralement tes parents ils sont angoissés parce qu'ils ont peur que tu souffres encore plus, que tu galères. Ouais, ouais, ouais. Donc comme depuis 4-5 ans je gagne plutôt relativement, normalement ma vie, okay. je peux vivre de ce que je fais. Voilà, aujourd'hui ils sont rassurés. L'année dernière avec mes musiciens on est allé faire une résidence chez eux à côté, ils venaient tous les jours. Ah, oui, c'est okay. Nos plus grands fans. Ah, tu faisais des spectacles. C'est nos okay. Plus grands fans, ben tu oui, vois. Ben là, c'est bien, c'est une plus belle publicité aussi, c'est une publicité ouais, gratuite. Carrément. C'est ma fille. Voilà, c'est ça. Tout attaché. Des fois, quand ils viennent me chercher à la gare, ils me font salut la fille. Oh, même plus à Sophie. Non, mais voilà, non, c'est rentré sur nom. Ouais, ouais, ouais, c'est super. Mais je vais les voir ce week-end, là, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je pars demain. Et là, tu es vue comme une héroïne. Non, parce que réussi, je veux pas être. Je ne suis pas une héroïne, mais si tu veux. Oui, je suis quand même quelqu'un de particulier dans la famille. Oui. Tu vois, singulière. Voilà, singulière, celle qui est partie, oh, celle oui. Qui a pris des risques, celle qui a des couilles, tu vois. Oui, c'est ça, exactement, oui. Voilà, et puis voilà, et mes parents, ils m'ont vu dans des tels états assez terribles, si tu veux, que ma mère, elle est assez admirative de mon courage et elle me c'est le ça. Dit. Enfin, ça a mis longtemps hein, pour qu'elle me le dise. Mais voilà, moi j'ai aussi foutu un gros coup de pied dans le bordel. Hein. Tu sais, quand tu fais 10 ans de psychanalyse, tu psychanalyses tes parents aussi. Mais c'est pour t'aider aussi. Hein. Et puis eux aussi, ça les a vachement aidés. Mes parents sont super heureux aujourd'hui, alors que d'avoir l'horreur de perdre un enfant, de donner la mort, de donner la vie, c'est terrible, hein, de culpabilité. Oui. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux à la retraite. J'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, et tout va bien. On est une famille. Souviens-tu, vieux déclin. Pour toi, c'est le soupe à l'amour. Et si je n'y arrive pas, papa sera là cette fois. Papa sera là.